Ok, alors concentrons-nous sur d'autres offres deux en un. C'est le cas par exemple du verbe to dream, rêver. Vous connaissez sans doute déjà les célèbres paroles de Martin Luther King dans le discours qu'il prononça à Washington en 1963. J'ai un rêve, qui en anglais se dit I have a dream. I have a dream, c'est ça. Alors, mettons que la nuit dernière, vous aussi, vous avez rêvé, et vous avez rêvé que tout le monde aurait assez à manger et que personne ne souffrirait de la faim. Comment diriez-vous ça? Alors, voyons. D'abord, j'ai rêvé, au passé simple, se dit I dreamed. Dreamed, ou I dreamt. Dreamt. Comme vous le savez, tout le monde correspond à everybody. Et pour dire aurait assez à manger, comme ici on parle d'une hypothèse, on va avoir besoin de would, qui s'emploie à toutes les personnes. Donc ici, would have. Alors, je vous laisse maintenant traduire. J'ai rêvé que tout le monde aurait assez à manger. I dreamt that everybody would have enough to eat. I dreamt, ou I dreamed, that everybody would have enough to eat. Et maintenant, la suite de la phrase. Et personne n'aurait faim. Mais ici, watch out, car personne se dit nobody. Nobody. Et ce n'est jamais suivi d'une négation en anglais, car la négation est déjà contenue dans le mot nobody. Donc, on dira, et personne aurait faim. And nobody would be hungry. And nobody, ou encore no one, en deux mots, would be hungry. Oui, c'est ça. Alors, on peut toujours imaginer un monde meilleur. We can always imagine a better world. Mais pour le moment, contentons-nous de voir encore d'autres offres deux en un. Par exemple, travailler et travail, que vous aviez peut-être déjà vu avec Michel Thomas. Alors, le travail se dit, et attention, sans l'équivalent de le. Work. Work, c'est le travail, oui. Et donc, quelle sera la traduction de travailler? To work. To work. Alors, je voudrais maintenant vous poser une question au sujet du travail. Est-ce que vous travaillez pour vivre ou est-ce que vous vivez pour travailler? Et ici, watch out, car pour ne se traduit pas for, mais to, car il a ici le sens de dans le but de, donc similaire à in order to. Donc, on va employer to. Alors, est-ce que vous travaillez pour vivre ou vivez pour travailler, se dira? Do you work to live or live to work? Do you work to live or live to work? That is the question. Telle est la question. Comment direz-vous, j'ai du travail, et ici on ne traduira pas du. Donc j'ai du travail pour vous et c'est urgent. I have work for you and it's urgent. I have work for you and it's urgent. Et comment dira-t-on, il est au travail mais reviendra ce soir? Alors voici un nouvel exemple de verbe français en re, donc en anglais on dira il viendra de retour. Alors encore une fois, il est au travail mais reviendra ce soir. He's at work, but will come back this evening. He's at work. But we'll come back this evening. Alors, pour traduire revenir à la place de to come back, vous pouvez aussi utiliser to return, très proche du verbe français retourner. Les deux sont valables, quoique to come back soit sans doute plus courant. Et maintenant, comment direz-vous, en employant le passé, elle a travaillé toute la journée sans s'arrêter. Alors, vous connaissez peut-être déjà sans, qui se traduit without. Without, without, qui est toujours suivi de la forme en ing. Alors, sachez enfin qu'on emploie le même verbe, to stop, pour dire arrêter et s'arrêter. Alors maintenant, vous devriez avoir tous les outils nécessaires pour traduire cette phrase. Elle a travaillé toute la journée, all day, donc sans traduire la. Donc, elle a travaillé toute la journée sans s'arrêter. She worked all day without stopping. She worked all day without stopping. Alors, encore une offre deux en un. Si help, H-E-L-P, signifie de l'aide et que le verbe aider est identique au nom, comment direz-vous peux-tu m'aider? Can you help me? Can you help me? Du verbe to help. Alors voyons à présent une autre offre deux en un, mais cette fois-ci, il y a quelque chose en plus à savoir. Il s'agit de voyager, to travel, T-R-A-V-E-L, et voyage qui se dit aussi travel, mais watch out, car en anglais, travel est presque toujours employé au singulier. Donc pour dire les voyages, on emploiera travel au singulier. Alors, vous aviez peut-être vu avec Michel Thomas que en train se dit by train. Donc, comment dira-t-on il va au travail en train? He goes to work by train. He goes to work by train. Avec goes, qui est la forme avec he, she et it du verbe to go au présent et qui s'écrit G-O-E-S. Donc, he goes to work by train. Mais on peut dire la même chose avec to travel. Littéralement, il voyage au travail en train. Ce qui donne. He travels to work by train. He travels to work by train. Alors vous avez sans doute remarqué qu'on emploie by train, littéralement par train. Et on retrouve ce by avec d'autres modes de transport. By car, en voiture. By taxi, en taxi. By boat, en bateau. Alors avant de passer à autre chose, je voudrais que nous voyions encore quelques offres deux en un. Vous aviez vu avec Michel Thomas que laver se dit to wash, W-A-S-H. Alors comment direz-vous, j'ai besoin de laver la voiture? I need to wash the car. I need to wash the car. Mais il existe également le nom a wash, qui est souvent associé à un verbe comme to have or to need. Et donc, au lieu de dire I need to wash the car, on peut aussi dire the car needs a wash. Littéralement, la voiture a besoin d'un lavage, c'est-à-dire d'être lavée. Alors, sachant que les cheveux se dit hair, H-A-I-R, hair au singulier, que dira-t-on à quelqu'un qui a les cheveux sales? Your hair. Your hair needs a wash. Your hair needs a wash. Qui veut donc dire la même chose que you need to wash your hair.